Les ondes positives sur Fadjet avec Samantha. Bonjour et bienvenue dans cette 10e chronique des ondes positives, une émission qui explore l'histoire, la science et le langage pour mieux comprendre comment nous fonctionnons et apprendre à développer nos capacités et nos ressources. Je suis Samantha Dube, sophrologue et praticienne en hypnose et je vous propose aujourd'hui de découvrir comment fonctionne l'intuition. Fadjet, les ondes positives. L'intuition est la synthèse de l'instantanéité et de la clairvoyance, nous glisse entre deux souffles le philosophe suisse Henri-Frédéric Amiel. L'intuition, mais qu'est-ce donc en dehors de cette chose mystérieuse et non localisée à l'intérieur de nous? Un sixième sens, un super pouvoir, une petite voix intérieure, un don que certains auraient et d'autres pas. Et si oui, comment faire alors pour l'obtenir et le développer? Car semble-t-il, dans les temps qui courent, cette intuition serait utile à beaucoup d'entre nous. Revenons à la source et plongeons-nous dans l'étymologie du mot « intuition » qui vient du latin « intuitio » qui signifie « vue » qui provient de l'intérieur pour jaillir vers l'extérieur. L'intuition est une vue du cœur dans les ténèbres, disait André Suarez. Il s'agit du seul mot dans la langue française à être construit d'un préfixe, d'un radical et d'un suffixe, et qui vient du latin scolastique, c'est-à-dire d'une philosophie élaborée au Moyen-Âge. D'ailleurs, l'Académie française n'a accepté le mot d'intuition à la liste des mots figurant dans le dictionnaire qu'en 1908. Ainsi, l'intuition serait une vérité non démontrable, non justifiable, que la raison ne peut pas expliquer. Et pour les plus prudents d'entre nous, pour les plus terre-à-terre, pour les plus rationnels d'entre nous, cela peut nous paraître périlleux, voire dangereux, de suivre aveuglément son intuition sans aucun filet de sécurité pour nous rattraper en cas de chute. Justement, Jean Kelevitch résumait l'intuition comme l'art acrobatique de penser les choses au plus près. Pourtant, si elle ne fait en effet pas preuve de démonstration, elle n'a, comme le disait Paolo Coelho, rien à voir avec la routine. L'intuition relève au contraire d'un état d'esprit qui est au-delà de la technique. Justement, arrêtons-nous un instant et prêtons une oreille attentive à l'écho d'un philosophe français, membre de l'Académie française et prix Nobel de littérature. Cette voix, c'est celle d'Henri Bergson. Les ondes positives sur Fadjet. L'intelligence n'est pas un perfectionnement de l'instinct. L'intelligence et l'instinct sont deux solutions différentes, aussi élégantes l'une que l'autre, au problème de l'adaptation biologique. Instinct, l'élan vital donne à l'animal des instruments tout faits et l'aptitude innée à s'en servir. Intelligence, il donne à l'animal humain les moyens de fabriquer des outils. L'intelligence suppose la conscience, le choix, la liberté, mais l'aptitude à utiliser les choses. La technique n'est pas une connaissance profonde et intime. La science demande comment ça marche et non que signifie cela? Qu'est-ce que cela est-il véritablement? L'intuition rassemble la sympathie divinatrice de l'instinct et la clairvoyance de l'intelligence. Dans l'intuition, l'élan vital se réfléchit lui-même comme dans un miroir. Dans les neurosciences, l'intuition est considérée comme un phénomène, un processus et non une faculté. L'intuition, ça n'est pas penser, ça n'est pas élaborer un raisonnement, mais c'est plutôt le résultat d'un processus de pensée non conscient. Ainsi, si l'on peut croire de prime abord que notre intuition sort de nulle part pour nous proposer une idée qui nous paraît peut-être saugrenue, il n'en est rien. Votre inconscient travaille dans l'arrière-boutique de votre cerveau pour vous fournir une proposition. L'intuition, c'est une connaissance qui se trouve au-delà de la connaissance. Après avoir pris en compte le QI, le quotient intellectuel, le QE, le quotient émotionnel, il faut désormais jouer avec ce que l'on appelle le QEI, le quotient de l'écoute de l'intuition, pour faire les meilleurs choix possibles pour nous. À travers les siècles, les hommes et les femmes qui nous ont précédés ont écrit l'histoire de l'humanité. Nos ancêtres, avant nous, se sont interrogés sur la meilleure manière de suivre son intuition. Laissez-moi vous raconter. Un petit voyage dans le temps et l'espace s'impose. Direction le continent américain pour découvrir un conte philosophique cherokee qui nous illustre à merveille comment être à l'écoute de notre intuition. Un soir, un vieil indien cherokee raconte à son petit-fils l'histoire de la bataille intérieure qui existe chez toute personne et lui dit « Mon fils, il y a une bataille entre deux loups à l'intérieur de nous tous. L'un est le mal, c'est la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse, le regret, l'avidité, l'arrogance, la honte, le rejet, l'infériorité, le mensonge, la fierté, la supériorité et l'ego. L'autre loup est le bien, c'est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. » Le petit-fils songea à cette histoire pendant un instant et finit par demander à son grand-père. « Mais, grand-père, dis-moi, lequel de ces deux loups finit par gagner ?» Le vieux Cherokee répondit simplement « Celui qui gagne, c'est celui que tu nourris. » N'est-ce pas Albert Einstein qui disait que la seule vraie chose précieuse est l'intuition ? Et Christian Bobin d'ajouter « Il y a ce que l'on connaît, qui est étroit, et il y a ce que l'on sent, qui est infini. » Laissons le mot de la fin à Ivan Illich qui nous rappelle « Notre civilisation croit savoir ce qu'elle gagne avec les outils, mais elle ne sait pas ce qu'elle perd en perdant l'intelligence intuitive des humains. » Fadjet, les ondes positives. Allez, petit exercice. Fermez les yeux et imaginez-vous tout prêt à recevoir un invité très spécial. Chez vous, tranquillement, préparez l'endroit pour l'accueillir et préparez-vous. Tout d'un coup, l'invité frappe à votre porte. Il s'agit de votre intuition en chair et en os, comme si elle avait pu se matérialiser pour vous rencontrer. Alors mettez-vous devant la porte et lorsque vous êtes prêt, ouvrez-la. À quoi ressemble cette intuition que vous avez en face de vous ? Est-ce une personne humaine, quelqu'un que vous connaissez ou non, un personnage de fiction ? Un animal peut-être, ou encore un objet, ou toute autre chose. Laissez ensuite rentrer votre intuition chez vous et laissez-la s'installer. Posez-lui à présent trois questions. La première, qu'est-ce qui va bien chez moi ? Et laissez-la vous répondre. La seconde, qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? À nouveau, écoutez ce qu'elle a à vous dire. Et enfin, dernière question, que pourrais-je faire pour changer cela ? Encore une fois, recueillez ces précieux conseils. Voilà, maintenant que nous avons découvert notre intuition, il ne nous reste plus qu'à agir. Enfin, peut-être que pour cela, nous faudra-t-il apprendre à aimer. C'est justement le sujet de notre prochaine chronique. On se retrouve très vite. Et en attendant, continuez de propager vos ondes positives.